Bonsoir. En manchette ce soir, on parle de feu, de changement de nom, de divorce et selon Environnement Canada, au début du thème de l'émission, je devrais me crisser de quelque chose. Tu devrais te quoi? Me crisser de quelque chose. C'est-à-dire? Bon, je sais pas, je vais trouver quelque chose tu à me crisser de. Tu vas m'en parler tantôt. Je vais m'en crisser. Je viens de trouver mon... Tu vois que c'est sérieux à 70%. Des invités, puis d'autres fois on n'en a pas. 70%, c'est pas très très constant. On parle de marque en VHS et puis de jeux vidéo. 70% contre les intellos. Tommy qui joue au Magic Zelda dans un verre de pain. 70% de rejet à la radio. Oh oh oh oh oh. Banjo Tooie en background, c'est 70%. C'est une émission qui commence fort. La chaleur est en studio tellement que Étienne Forêt, chroniqueur expert, chroniqueur spécialisé, est en train d'enlever son manteau, mesdames, messieurs. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud, c'est fou. On a bien sûr Kate Kendall qui a ramené toute sa féminité ici. Elle fait oui de la tête, c'est sa mission ce soir, on va faire oui de la tête. Elle ressemble un petit peu à ce que vous avez de mieux en tête, mais mieux. Et puis Jesse qui est à côté. C'est vraiment beau à voir. C'est vraiment... qui est cool aussi quand même. Ouais. Non, mais Jess, c'est une longue histoire entre moi et elle. Ce serait de pléonasmé que d'essayer de résumer la quantité de fois que je lui ai rappelé qu'il était un baume pour mes yeux. Wow. C'est un plaisir d'être avec vous encore ce soir. Et puis imaginez, on va parler de choses intéressantes en arrière des compliments gratuits. Parce qu'il y a Bruno Corbin qui a survolé, bien sûr, les présidentielles américaines. Et qui va peut-être choisir ça de lequel s'en crisser. C'est difficile de trouver quelque chose de quoi s'en crisser parce qu'à partir du moment où est-ce que tu penses à quelque chose, t'arrêtes de t'en crisser. Et voilà, c'est le grand paradigme du bouddhiste qu'il faut pas que tu sais tout. Ne pense pas à un éléphant mauve. C'est ça. Oh non! Sinon, ben, on va commencer solide. Parce que cette semaine, ça a été encore une fois une très bonne semaine pour le mouvement. American Ninja 1, alias le commando spécial, a été choisi comme film à visionnement au brouhaha. On a eu un trailer. En fait, c'est le film que je suis allé tourner jadis avec Lepin, JP Minard. On est allé parler au Twin Dragon Moustachu. On est revenu vivant et grandi. Le long métrage existe. On va le voir au festival pour la première fois, la foire qui s'en vient dans deux semaines. C'est beau. Hein? Mm-hmm. On a un trailer, vous allez voir, on en vient à pleurer grâce à Coldplay. Je vais aussi dire merci à Banjo Kazooie qui vont prendre la trame sonore en background pour tout le show d'aujourd'hui. Sinon, on va dire encore une fois merci, ça arrête jamais, à Simon Chénier qui nous a envoyé une version de Rainbow Demon que lui et ses amis ont fait tourner un après-midi au parc Mont-Royal. On va écouter ça ce soir. La version visuelle va bien sûr avoir plus de sens douteux que la version qu'on va écouter maintenant. Rainbow Demon, si vous avez l'impression d'avoir de la mélasse dans les yeux, c'est peut-être pas pour rien. On vous revient juste après à 70%, ça va rocker. Hein? C'est sûr, c'est 70%. Oh, c'est ça. Desire. distant calling, riding on through night and day. Fouet dans le dos. Ah, c'est trop fort, je sais pas. Hein? La frénésie ici, on a perdu le contrôle. Non, mon ami. Ok, c'est beau, je l'ai retrouvé, il était en dessous de la table, le contrôle. Tiens-le bien comme et faut. Et voilà. Ah, tiens, on va écouter ça. Ben, bonjour, ici Simon Chénier. Vous êtes à 70%, la meilleure place où je prendrai mes vacances. Un gars qui connaît de quoi il parle, bien sûr, Simon oui. Chénier. Qui se connaît en matière de vacances. Et voilà. Bruno! Oui? The Carbonator. That's me. Alors, on y va tout de suite avec une première nouvelle pour la soirée. Il y a Tatsuhiro Kawata, 39 ans, qui avait commencé des démarches de mariage avec sa fiancée, même s'il était déjà marié. Afin de se sortir de cette situation embarrassante, il a décidé dimanche dernier, aux petites heures du matin, de mettre feu à l'hôtel où la cérémonie devait avoir lieu. Ah, c'est pas fou. Ouais. Oui, c'est la meilleure façon de s'en sortir, c'est clair. Donc, les clients de l'hôtel ont été évacués, personne n'a été blessé. Kawata a été arrêté après avoir soudainement cancellé le mariage et agi de façon suspecte, disent les policiers. Vive les Japonais. Voilà, et voilà. C'est toujours alors, bon, on peut continuer avec une histoire de police ou une autre histoire de feu. C'est vous autres qui décidez. C'est Kate qui décide. C'est Kate qui décide. Feu? Feu. Feu, OK. On va la trouver d'abord. Un homme de Sargent en Georgie a mis le feu chez lui alors qu'il nettoyait les toiles d'araignée avec une torche. Galen Winchell nettoyait des toiles à l'extérieur de sa maison et il a remarqué que le feu était pris au grenier. Ah ben toi. Le feu a été heureusement contenu à un seul endroit de la maison grâce à l'excellente isolation de sa maison. Winchell ne sera pas poursuivi. C'est juste cave. Est-ce qu'on a le temps pour celle de police aussi? Je suis gourmande. Ben oui. Ah, let's go pour Kate. OK. Church fight! Church fight! La police d'Israël a dû intervenir lors d'une bataille générale se produisant entre un groupe de Grecs orthodoxes et de moines arméniens. La confrontation aurait débuté lorsque les Grecs ont essayé de placer un membre du clergé à l'intérieur de l'édicule, l'ancienne structure qui supposément contient le tombeau du Christ. Il n'est pas rare de voir ce genre d'incident entre les membres du clergé et les nombreuses sectes chrétiennes d'Israël, semble-t-il. Church fight! Church fight! Puis là, il y a des images, là. C'est beau, là. Ah ouais, la grandeur humaine. On peut les voir, les images, sur Internet, si vous voulez, avec des gens. Ouais, mais là, ça a pas d'allure, là. Ils veulent mettre quelqu'un, là. Fait qu'on leur donne des coups de poing, ça y est. Oui. Hein? Tu l'as dit toi-même, c'est ridicule. Hey boy, yeah. Fait que c'est quoi? Est-ce qu'on sauce dans le sujet Étienne Forêt? Ben, pourquoi pas? Puis toi, Jess, tu gardes ça pour tantôt? Oui, oui, oui. Parfait. Garde ça en dedans. Je me réserve un peu. Bon, ben voilà, tout va dans l'ordre. Forêt? Bien, aujourd'hui, le thème de la semaine chez DJ Georges, c'est les enfants chanteurs. Oh, oui. Et ça m'a été suggéré par ma blonde et ma femme, d'ailleurs, qui sont la même personne. Rassurez-vous, je ne suis pas le genre à mettre le feu à des hôtels. Vive des hôtels! Oui, c'est ça, je le respecte beaucoup trop. Donc, évidemment, qui dit enfant chanteur pense immédiatement René et Nathalie Simard. Donc, je sais pas, moi, j'ai pensé à Jordi en premier. Ah, écoute, mais toi, t'es pas tout le monde. Alors, évidemment, oui, René Simard, j'ai déjà fait jouer l'oiseau dans la semaine volaille. Fait qu'aujourd'hui, je vous propose une chanson internationale qui vient rejoindre toutes les bonnes nouvelles de Bruno, soit Ma petite japonaise. C'est joyeux. Ça a été en disque en 1974. Dans le temps où tout allait bien. Oui, c'est l'année de ma naissance, je le soulignerai. Puis René pognait comme un fou au Japon dans ce temps-là. Oui, on a une belle chorégraphie. C'est vraiment entraînant, pareil. Hein, On a le goût de danser. Puis tout ça, ben, c'est en même temps, c'est une histoire touchante là, d'amour impossible. Entre un jeune de 8 ans. Oui, et une petite japonaise qui ne parle pas français. Puis là, regarde, là, il a appris à dire « je t'aime » en japonais. Et là, tous les problèmes sont réglés grâce au dictionnaire du grand frère de la japonaise. Ah oh boy, il y a une chance qu'il était là. Ça veut dire qu'il est d'accord avec leur union. De toute évidence. Ou sinon, il ne sait pas pourquoi il a emprunté son dictionnaire. C'est René, sinon. C'est ça. Alors, René, évidemment, n'est pas le seul membre de sa famille à s'être fort illustré. Je vais l'avoir dans la tête. Je m'excuse. Il a déjà aidé son frère Régis à essayer de starter une carrière, puis on a vu ce que ça a donné, finalement. On se passerait de son aide. Sur l'album « Parce que je t'aime » de Régis Simard, on a René qui vient chanter en duo avec lui cette magnifique chanson « Les deux gamins de l'île d'Orléans ». Ça aussi, ça reste dans la tête, je vous avertis d'avance. Les bateaux, salut. Oui, quand on les regarde passer. C'est pas mal la seule chose que tu peux faire avec un bateau, en fait, quand t'es pas dessus. Quand même. Next. C'est bon, hein? Donc, ouais, moi, j'ai déjà été à l'île d'Orléans en essayant d'écouter cette chanson-là en loop tout le long, mais je me suis fait censurer. C'est par la même personne qui me suggère la chronique d'aujourd'hui. Ensuite, évidemment, ben, dans la famille Simard, il y a le plus gros morceau, Nathalie. Hein? Non, non, mais c'est au sens figuré. Donc, Qui prend Proussi? Propre, c'est vite dit. Donc, Nathalie Simard, dans un cul-de-sac humoristique. On a vraiment fait le ton. Essouillé. Oui. Ça, c'est même plus drôle. OK. Nathalie Simard a indiqué des tonnes et des tonnes d'affaires. Et j'ai choisi pour vous aujourd'hui un excellent remake de la fameuse tune de Flashdance qui a joué beaucoup. Ah oui, je l'ai déjà mis 80, ici. Qui est un grand classique. C'est mon idole, Michael Jackson. Mon idole, Michael Jackson. C'est très, très beau. Oui, Fur Man Fur. Fait que là, évidemment, ça, c'est de la toune pour danser, Kate. Laisse-toi aller. C'est ça, c'est que tu penses que t'en connais. Oui, là, tu te dis, ah, ça va être la fille, là. Puis finalement, oups, non, c'est pas la même. Oui, c'est mon idole, Michael Jackson. Oh, je vais garder ça en background si vous permettez, parce que là, on va écouter le trailer du film. En fait, le long métrage, ça s'appelle À la recherche. Non, sur la route du cinéma douteux, il faut que le monde sache. Il faut que le monde sache. Ça, c'était le nom de notre. Ça va être le nom de notre. Ça va être le nom de quelque chose. C'est ça qui va arriver. Merci Bruno. Bruno Corbet. Ici, donc, on lance la chose. On va voir ce que ça donne. Ça me fait vraiment plaisir de finalement avoir vu les nouvelles, en fait, les tapes des Twin Dragons. C'est quoi? Besoin d'attention. Oh! Il y a Louis-Éric qui est derrière nous et qui nous regarde à travers la fenêtre et qui danse. Gagnon, hein? C'est son idole, Michael Jackson. Michael Jackson, c'est l'idole de Louis-Éric Gagnon. Louis-Éric. Move! Ah ben là, le disque se fait désirer, là, c'est pas trop. On va remettre. Tu vois, on a un plan B. Oui, c'est mon idole! Ah, mon voilà, ça joue! Mon idole, Michael Jackson! Dans la première semaine, j'ai rencontré, il m'a donné un CD, il me dit, tiens, ça, c'est des films pourris. Une réflexion au film qui va suivre. C'est pour ça que ça s'appelle du douteux, hein? Parce que dans le doute, tu te poses des questions. Notre quête, c'est le pourquoi. On connaît les codes cinématographiques, on le sait quand c'est pas bon. C'est de réfléchir sur le produit cinématographique qui est offert. Pour bien comprendre et explorer la bêtise d'un film douteux, ses spectateurs doivent devenir ses plus fervents détracteurs. C'est de la production culturelle qui a été laissée de côté et qui va disparaître. Puis ça, il faut pas. Il faut la laisser. Une espèce de clone de Bud Spencer qui est habillé en tutu. D'habitude, on commence à 7h ici à 19h, puis avec les invités gentils, on écoute des séquences audio choisies du douteux de la semaine. Twin Dragons, c'est Martin et Marc McNamara, c'est deux Ontariens d'origine irlandaise. C'est des vraies questions que je vais aller poser. Pourquoi est-ce qu'ils disent que les ninjas ne se battent jamais la nuit? Hello there, my name is Tommy Godet. I'm from Montreal and I'm very interested in having Michael and Martin McNamara as an interview. Ici, on nous a fait comprendre que nous n'étions pas assez rentables, les soirées de douteux. Ben, ils ont décidé de nous canceller parce qu'on n'est pas assez payant. C'est pas la première fois que je me fais ditcher, man. Je suis fort géré ça. Oh, you're awesome, man. Les Twin Dragons viennent de rappeler. Demain, j'ai pas la moustache pour rien. Parce que demain, mardi, je pars vers Toronto interviewer les seuls et uniques Twin Dragons moustachus. Oh, that's nice! I want a real high five. That's the best, man! La vie est un cri, vous êtes vraiment la dulcinée du cinéaste Roger Normandin. On va rire de vous autres. On va contre-attaquer, tu sais. Ça devient mélangé à un moment donné. Parler de pas bon, de façon positive. Ça sent les chips au bacon. C'est ce qu'on veut, aller directement à l'essence du douteux, c'est-à-dire des idées connes. À tous ceux qui ont voté non pour la cano, de sucer ma grosse querelle. Ça, c'est un truc important. Avec Tom, on se tape un film de marde au complet. T'sais, t'as une heure et demie de marde avec tout ce qui est t'sais, des mardes, encore plus mardes qui sont pas nécessairement juste le fun. La croisade des films douteux. Il faut que le monde sache. Si vous n'êtes pas touché après ça, là, ben vous n'aimez pas Coldplay. Clairement. Donc, c'est ça, on va le mettre en grande primeur, sûrement, pendant le festival qui s'en vient, la foire. Mm-hmm. Parler aux Twin Dragons, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai même pas vu le film. J'ai même pas vu aucune des séquences des Twin Dragons. Je viens de me rappeler, je faisais un high-five avec Michael McNamara. Tiens, quel grand moment. Ben, mais, hein, man. C'était super intéressant, le gars, d'ailleurs. Il a eu une opération à la hanche, puis là, ça va bien. Ah. Ah. Puis là, je sais pas c'est quoi qui arrive avec son lawsuit, là, mais il va falloir que j'y réécris. Ben, prends rétablissement, mec. Ben, oui. Certain, fou à deux. Michael McNamara forever. C'est drôle parce que de la manière que t'as formulé ta phrase, ça faisait pas vraiment de sens. Ça dit, c'est un gars super intéressant, il a eu une blessure à la hanche. Ouais, il y avait une virgule. Il y a donc à dire à son sujet. C'est un point. Ça prend tout de suite intéressant. Ah ouais, un cas médical unique. Donc, on m'a entendu parler pas mal. Peut-être, Jess, tu te sens-tu chaude? Es-tu capable de... Ben, je suis capable, mais j'aimerais ça que tu parles un peu du film de ce soir. On va faire ça un petit peu. D'abord, c'est American Ninja 1. C'est le premier de la série. En fait, c'est, je pense, le troisième film de... C'est quoi son nom, là? Voyons, Sam Firstenberg, c'est ça son nom. C'est un gars qui a fait beaucoup de films avec notamment Steve James, qui joue le... Comment dire? Je veux pas paraître raciste, mais disons, il joue la personne de minorité visible qui parle beaucoup et tout le temps de façon légère pour alléger le ton. Le noir de service. Ouais, merci Jess. C'est un petit peu ça, c'est la personnalité de Steve James. On rencontre ici tous les personnages qui vont faire le classique de la série des American Ninja, de 1 à 5, sauf celui qui va devenir le American Ninja du 3, 4, 5. Parce que, tu sais, c'est unique, un ninja américain, jusqu'à temps qu'il y en ait un deuxième. Là, il apparaît, puis on sait pas trop de où, on sait pas pourquoi, mais c'est correct, il est là, il prend la place de Michael Dudikoff. Mais Michael Dudikoff, dans ce film-ci, est bien sûr le American Ninja, le premier, le officiel. Je sais pas quoi trop rajouter là-dessus, sinon que c'est vraiment le premier film de Michael Dudikoff, et que Michael Dudikoff, c'est un champion de kickboxing, de lutte, en fait, de karaté brésilien, je me rappelle pas trop le nom. Ouais, puis c'est un des styles qui est les moins efficaces de tous les temps, parce que c'est trop carré. Tu sais, quand un acteur interprète un rôle de ninja, comment il se prépare? T'sais, mettons, tu joues un chauffeur de taxi, bon, tu vas te préparer en étudiant et tout ça, peut-être en conduisant toi-même, mais quand en fait, tu c'est deviens le cascadeur un ninja... qui va se préparer à avoir la même shape que l'acteur pour quand il est dans le suit, je pense. Ah, fait que c'est l'entraînement. Simplement. Merci Bruno. Bruno Corbin ici. Encore une fois. Donc, c'est ça, j'essaie de me rendre sur IMDB parce qu'aujourd'hui, j'ai rien préparé. J'ai pas de texte, j'ai seulement ma mémoire et puis ce que j'ai vu tantôt pour parler de American Ninja. Je m'en vais sur Sam Firstenberg, qui est un des grands réalisateurs. Tenberg, parce que hey, ça prépare la foire en sapristi. Oui. Sam Firstenberg, c'est quelqu'un qui a travaillé sur The Inplanetary Surplus Male and Amazon Woman of Outer Space. Mmh. C'est quelqu'un qui a fait Spider 2, The Alternate, qui est le moins bon film dans lequel on a le moins bon meilleur. Ouais. Cas, moins 7 avec Eric Roberts, essayez de me ramener un autre. Ouais. Non, tu peux pas. C'est l'histoire d'Eric Roberts qui est engagé pour tester la défense des États-Unis, mais que finalement, tout le setup de test, c'est, dans le fond, c'est pour vrai. Ça ah, non, pour vrai? Je te jure, là, il kidnappe le président américain, kidnappe la femme du président américain, tout le monde est kidnappé. Qui ça va prendre comme sable dans l'engrenage, comme gravel dans le pot de vaseline? Eric Roberts. Ouais. Ça, c'est bien sûr réalisé par Sam Firstenberg, à qui on doit encore Cyborg Cop 2, qui est un excellent American Samurai, un autre avec David Bradley. À noter, David Bradley, qui est pas dans le film de ce soir, mais qui prend le rôle du American Ninja dans American Ninja 3, et l'acteur préféré de notre ami Sam Firstenberg, lui qui l'a utilisé dans ben des films. Il met d'ailleurs en background des fois comme Drouny, là, tu sais. Ouais. Il est capable de recevoir des coups de pied et tout. Je vais reparler tantôt dans la prochaine séquence du film lui-même, c'est-à-dire American Ninja. Ninja. Pour l'instant, utile de savoir que c'est Sam Firstenberg qui a fait Ninja 3 La Domination. Encore une autre belle affaire. Ouf, Ninja 3 La Domination. Le film dans lequel on apprend que seul un ninja peut détruire un ninja. Uh-huh. Dans le film de ce soir, on apprend que Michael Dudikoff a bien de la misère à parler quand il est premier rôle. American Ninja, ça me fait plaisir de vous montrer ça. On est dans une base de Marine. Ça joue wacky. Jusque-là, ça va. On est à quelle minute de ce film? Si j'ai commencé à... Là, t'es à 40 secondes. En direct au début? Ouais. Pas direct au début, 40 secondes? Oui, je m'excuse. La pédance Slayer réagit. Hey, je suis super à ce jeu-là. En plus, pendant que j'étais en perme, je me suis vachement entraîné. Attendez, vous allez voir comment on joue chez moi. Hey mec, amène-toi! Il manque un gars dans une équipe. Alors, tu viens? Je vais vous montrer comment on fait. Regardez bien. Yep, yep. Et voilà. Hey, hey, tu me renvoies la balle? Ah, il a pas compris. Hey, on dirait, c'est un nouveau, il est arrivé hier soir. Alors mec, tu me la renvoies cette balle? Puis ensuite, tu pourras aller roupiller. Une guerre de testostérone autour d'un haki. Personne n'a la grosse tête chez nous. Qui sera le master du haki? Et si tu fais bande à part, c'est sûr que tu feras pas long feu ici. Chauffeur! Moi? J'arrive. Donc, chauffeur, moi, j'arrive. Dans trois semaines, la maison sera enfin prête. Une fille. Mm-hmm. Je avec un général qui a de l'air important. Avec juste pour son cash. C'est son père, en fait. Elle est avec juste pour son cash. C'est ça, comme toute fille avec son père. Restez avec le convoi jusqu'au centre-ville. Vous avez tout le temps d'arriver à l'aéroport. Bien sûr, monsieur. Sergent, vous savez combien je tiens à elle. Oui, monsieur, avec moi, aucun problème. Vous êtes prête à partir? Oui, attention. Donc, il a pris soin de rappeler à son sergent qu'il aimait sa fille. Oui. Puis pendant ce temps-là, il y avait le conducteur qui regardait allez, la fille et qui faisait comme oh, ah, c'est ça. Tu es beau. Donc, on sent déjà le grand cinéma Sam Firstenbergien. Là, on va se taper le tune générique parce que c'est hot. Ils s'en vont en convoi. On suit le convoi. Montage dynamique. Beau paysage. On est vraiment dans le sud. The Cannon Group Inc. The Cannon Group Inc. Ça a souvent engagé Michael Dudikoff. Soldier Boys. Ça, c'est un excellent film. C'est justement la même compagnie de production. Il s'est arrangé de faire Soldier Boys, qui est un film dans lequel il y a Michael Dudikoff, encore lui. Excellent, Michael Dudikoff. Je vous aimerais peut-être parler un petit peu de Michael Dudikoff sur fond de tune trop héroïque, American Ninja. Michael Dudikoff a un nom vraiment bizarre, il a un père russe. C'est en fait la deuxième fois qu'on a essayé de faire un acteur au ton. On avait fait un Lorenzo Lamaston, ça avait été une très belle réussite. La deuxième fois, on a essayé un Michael Dudikoff ton. On avait loué 12 films de Michael Dudikoff, on se les écoute tout en arrière de l'autre. Impossible. Il y a des bons films des fois, c'est ça qui fait un petit peu franchement tu c'est ça, drôle ça baisse temps. Le calibre un petit peu, puis là ça te fait comme une ratée dans une fin de semaine, puis il se veut s'en descendre vers le bas, chose que Lorenzo Lamas nous avait allègrement offert. Cela dit, il y a très très très très beaucoup de films qui ne valent pas la peine dans la discographie de filmographie de Michael Dudikoff. Je parle de Soldier Boys, ça c'est vraiment solide. C'est probablement le meilleur néo-douteux qui vient après l'apparition des DVD, la distribution en DVD. Sinon, ben ce soir, American Ninja, c'est vraiment un de ses premiers films. Avant, il a joué dans Tron. C'est pas payé pareil d'être dans Tron, c'est un bon film. Tron. Puis là, après ça, il a fait des Bachelor Party, Radioactive Dream. Puis là, ils se sont rappelés qu'il faisait du kung-fu. Fait que là, ils l'ont mis dans des rôles de héros de kung-fu pendant longtemps. American Ninja, c'est le premier de cette série. Allez, écoutez-moi ça, comment c'est beau. Après ça, il y a eu American Ninja 2. Moi, ça me donne le goût de me huiler, de montrer mes muscles et de hisser un drapeau. Voilà, voilà, dans l'ordre. Oui. Oui. Mange-toi sur le bas côté, John. Oh, ici, il y a de la réparation pendant le... Bonjour. Bonjour. Des formules de politesse. Mm-hmm. Oh, oh, c'était un guet-apens. Donc, on entend la trame sonore qui monte. Tout le monde est surpris. Il y a un guet-apens. Ce qu'on remarque le plus, c'est que, encore une fois, le héros n'a pas parlé. À toutes les fois qu'on a vu le héros, il n'a pas parlé depuis qu'on a vu le héros pour la première fois. C'est quand même assez fabuleux, à mon sens. Plus tard, on va revenir à des séquences du film. On va vous faire écouter la première fois qu'il parle. ça va être assez fabuleux, ça aussi. Là, je cherche la petite toune de transition. On va mettre une toune. Ça va faire du bien. Numa, Numa, hi, Numa. Tu veux-tu la mettre, toi, Forêt? Tu l'as pas loin. Oui, si tu veux que ce magnifique toune-là. Ah, oh, ben oui, mon. Graisse de chien, graisse le chien. On va le noyer. Dans Passe-Partout, la noire, c'est d'où aller. La noire, c'est d'où aller. La noire, c'est d'où à d'où aller. Ah, ouais, passe-plus. Et voilà, gracieuseté DJ George, on vous revient juste après à 70%. Le poil me rentre. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei, numai, numai ei. Să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Vrei să pleci, dar numai, numai ei. Numai, numai ei. Numai, numai, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi ei. Maya, ooh, Maya, oh, Maya, ha, ha, Le 28 novembre 2008, au Club Soda, participez à la soirée bénéfice au profit de l'organisme Jeunes Musiciens du Monde. À 20h30, Montréal est invité à passer la soirée avec Pierre Lapointe, The Lost Fingers, Patrick Watson, Carquois, Tricot Machine, Florence K, Antoine Graton, Les Charbonniers de l'Enfer, Xavier Caféine, Jérôme Minière et plusieurs autres. Billets en prévente à 30$ sur le réseau Ticket Pro ou sur le www.jeunesmusiciensdumonde.org. Du 6 au 16 novembre, Coup de cœur présente sa 22e édition. Plus de 350 artistes d'ici et d'ailleurs, une programmation au carrefour de multiples expressions. Rock, hip-hop, électro, folk, pop, toutes les informations au coupdecoeur.ca. Billets en vente chez Admission au 514-790-1245 et sur le site admission.com. Une invitation de Sirius Radio Satellite présentée en collaboration avec Hydro-Québec. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Ça bounce en studio. La pédance Slayer qui glow, man. Yeah. Il va falloir la sortir, elle va exploser. Alors, on va continuer la nouvelle un petit peu. Bon, j'avais déjà parlé de gens qui avaient changé de nom à l'émission, mais la plupart du temps, c'était pour une idéologie ou une religion, quelque chose du genre. Cette fois-ci, c'est pour le fun. George Garrett de Glastonbury s'appelle maintenant Captain Fantastic, faster than Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, The Hulk and The Flash combined. OK, ouais. Ça, c'est combined. Son nom complet? Combined. Déjà, ouais. Dès que t'as The Flash. C'est quoi ses initiales, si tu prends tout? Fais-tu un autre nom? Si tu l'as à l'envers, ça, c'est démoniaque. Je sais pas, mais... dire fuck the world. Alors, oui, l'étudiant de 19 ans a fait ce changement pour rire un peu, a-t-il affirmé, à partir d'un site Internet reconnu légalement. J'avais choisi le thème de super-héros et chaque fois qu'un ami m'en donnait un, je l'ajoutais. Donc, simplement. Simplement. Oui. Alors, il s'est arrêté à un moment donné puis il a décidé de faire le changement, là, le switch. Voilà, pour devenir Captain Fantastic, faster than Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, the Hulk and the Flash combined. Ben, Flash, parce qu'il va vite, là. C'est ça. Sinon, il reste à rien. Toutes les autres, ils apportent pas grand-chose au mélange. C'est pas grave. Merci, Bruno. Superman aussi, il va vite. Ouais, merci, Bruno, de nous rappeler que... Ben, en fait, ils ont déjà fait une course Flash contre Superman dans les années 80. Ah. Puis la loi non dite, surtout dans le DC Universe, c'est peu importe ce que tu fais, Superman le fait aussi et mieux que toi. Ouais. Et puis, ben, ce qui est arrivé, c'est que la course contre Flash et Superman, Superman est allé tellement vite qu'il a fait comme reculer le temps, fait qu'il est arrivé juste comme il partait. Fait qu'il a dit à Flash, gars, part pas, c'est correct. Oui, c'est juste cute. Une grosse crosse. Ouais. Faites juste faire croire ça à Flash, gars, part pas, je viens de la faire, puis je suis remonté dans le temps. Non, il l'a vu comme partir, puis revenir, tu sais. Mm-hmm. En tout cas, OK, ouais. Hein. Ouais. Jess? Ben ouais, tu me passes ça, ma toune de Superman, ouais, en parlant de super-héros. Et général, et moi, le... Alors que CLSC de Rosemont est en pleine moisissure, hein, et que Julie Pelletier, sexologue, se penche sur ce qui provoque l'intérêt des hommes devant un décolleté plongeant féminin, et qu'il est possible d'offrir une nuitée dans un hôtel 5 étoiles pour le prix abordable de 100$ pour vos chiens et vos chats, je me suis penchée sur l'importance du port du collant chez le ninja, chez le super-héros et chez l'homme qui fait du rock progressif. Alors, homme moderne de 2008, pourquoi ne pas enfiler fièrement ce sous-vêtement moulant dans la vie quotidienne? Laissez-vous inspirer par les modèles d'influence et de pouvoir, des icônes de masculinité qui osent le faire. Pensons à David Bowie dans Labyrinthe, à Robin dans Batman et Robin, et au ninja dans les films de ninja. Qui de sensé se refuserait le port du collant alors qu'il a une utilité triple? La part de la chaleur, l'amélioration de l'apparence et qu'il est source de confort. Comment ne pas... Vas-y, mon Tommy. Excuse-moi. Amélioration de l'apparence. Ben, parce que ça moule puis ça te fait perdre quelques centimètres au niveau des cuisses et du bas-ventre. Ah, voilà. Des collants de maintien. Là, des collants. Des collants solides. Et comment ne pas vibrer devant ces fibres textiles polyamides, élastanes, tactiles, microfibres et soie? Le collant va à l'encontre des jambes lourdes et donne un effet de brillance qui ajoutera au scintillant... Oh, car, c'est pas chaud, hein? Au scintillement de votre sourire. Alors que les gens, multiples gens qui vous regarderont, applaudiront vos éloges, les hommes de pouvoir ont la tête libérée de mauvaises pensées grâce au collant. Oui. Ils lui font confiance et peuvent alors se concentrer à 100% à leur projet, ce qui explique que ce soit le ninja, le super-héros et l'homme qui fait du rock progressif qui soient les piliers de ce mouvement, des hommes de renom. Oui, c'est vrai. À l'heure où je vous parle, les amis, les soldats américains postés en Irak portent des collants qui les protègent contre les puces des sables. Les surfeurs d'Australie se protègent d'une variété de méduses mortelles grâce aux collants. Et les sportifs qui font de la boxe et de l'haltérophilie performent encore grâce aux collants. Alors, qu'attendez-vous, les hommes? Cessez de rêver à devenir un super-héros dans une sphère autre que notre dimension actuelle. Je vous dis, do it! Devenons avant-gardistes en suivant de près les Asiatiques, car au Japon, il n'est pas anormal pour les jeunes garçons de porter des collants en public alors qu'il fait froid. Certains vous diront « travesti, fétichiste ou androgyne ». Ignorez-les. Levez votre poing haut et droit devant et volez vers un avenir plus rose grâce au port du collant. Wow! Je suis convaincu. Je ne te sais pas. Des collants sur Obama! Obama, montre-moi ton collant! Forêt, t'as senti chaud pour essayer d'égaliser la performance vocale qu'on vient d'avoir? Non, je ne serais jamais capable, mais je vais faire autre chose à la place. Donc, on revient à nos petits enfants chanteurs. Donc, on a passé la famille Simard dans son importance. Un autre membre, en fait, c'est pas un autre membre, mais quelqu'un qui aurait sans doute voulu être membre de la famille Simard, c'est Guy Aubin, qui est une espèce de René Simard wannabe. Il a le même look, il a commencé à peu près au même âge, il a la même coupe, il a le même genre de voix, mais lui, il a pas pogné. C'est sans doute le evil twin des deux. Donc, ici, j'ai apporté une belle chanson religieuse qui nous interprète ici en 72, chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait. Vous voyez, c'est quand même à s'y méprendre. Là. Si je vous avais dit c'était René Simard, vous m'auriez sans doute pas repris. Oh, hey, moi, si tu savais comment je t'ai fait confiance. C'est une grave erreur. Donc sur la photo, sur la pochette de cet album, on le voit photographié avec un magnifique petit chien blanc dans les bras, hein, dans toute son innocence de jeune garçonnet. Alors Guy Aubin, je vais en reparler éventuellement un peu plus tard quand je vous parlerai de Noël, parce que j'ai un magnifique album chez moi que je viens de retrouver, Guy Aubin chante Noël, donc on y reviendra. Penses-tu que ça la cote, l'album de Marie-Hélène Thibert qui chante Noël? Je pense que c'est un close call, mais moi je vote pour Guy Aubin, certainement. Oh, man. Oh. Alors on enchaîne tout de suite avec quelque chose de plus joyeux. Oh. Oh, oui. Alors ça, c'est les débuts de la reine de quatre saisons elle-même, Michèle Richard, qui sans doute ne doit pas beaucoup se vanter de ce titre qu'elle s'est auto-donné de nos jours. La reine. Fait qu'elle avait 11 ans là-dessus. Elle nous chante Rim Bam Bam, qui est l'histoire d'un cowboy qui, lorsqu'il parle, on ne comprend rien de ce qu'il dit parce qu'il ne parle que comme ça. Donc c'est des textes. Bang bang tout le temps. Ouais. Au moins, il y a une bonne job pour ça. C'est, s'il avait été brigadier scolaire. Ouais, ça aurait été bizarre. C'est le nom de la langue. Le ring bang bang. Le ring bang bang, c'est ça. Interprète, mettons. Exactement. Donc, Michèle Richard, là-dessus, avait 11 ans. Donc, elle a commencé toute jeune. Puis maintenant, ben, elle est rendue toute vieille. Puis ça s'est pas du tout amélioré. Je vais juste dire ça en passant. Sinon... Cordalin! Il y a également, dans les enfants chanteurs, il y a eu Mimi Etu, qui a eu, elle, deux... Ah, hey, tosse-moi ça! Oh, bang, okay. Bang, oh. J'arrête. J'ai le goût de te faire du ragoût puis une bûche! Ah ben, gêne-toi pas! Donc, Mimi Etu, elle a eu comme deux carrières dans sa vie. Elle a commencé très jeune, elle avait genre, je sais pas, 6-7 ans, puis elle avait une espèce de voix poche, je dirais pas une voix de casserole, c'est plus une espèce de voix de Tupperware, selon moi. Puis, éventuellement, elle a pris un break pour aller à l'école, puis elle est revenue en pulpeuse adolescente, jeune adulte. Mais évidemment, c'était beaucoup moins intéressant à ce moment-là. Je vous ai préparé deux belles petites tunes de elle dans le temps temps qu'elle était toute jeune. Et la première, c'est de la méta-cochonnerie, car elle reprend Dominique et Nick de Sœur Sourire. Oh, c'est ma version préférée de cette tonne-là. Dominique et Nick s'en allait hein? Tout simplement aux yeux pauvres et chantants. Remarquez le petit orgue en arrière. Il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Et motivé. Dominique, notre père, combattit les amis joies. Dominique, Nick, Nick, s'en allait tout simplement. Ah, moi, ça me séduit. Et ça, j'ai déjà écouté ça aussi en loop dans mon auto, jusqu'à ce que ma blonde, et ça, c'est vrai, a enlevé le disque de l'appareil puis l'a cassé en deux. À la grande déception de mon fils qui adorait cette chanson-là, lui aussi. Sinon, dans le même genre de voix, on a aussi la chanson « Non, papa ». Émilie est-tu dit à son père qu'elle veut plus aller à l'école parce qu'elle a l'impression qu'elle a fait le tour. C'est comme Jérémy Gabriel avant son temps, ça. Là. Oui, c'est fou. Oui, c'est vraiment vrai. Ouais. Elle ne croit plus en la géographie. Il faut faire remarquer ça. C'est sûr. Moi, je crois plus à ça. C'est n'importe quoi, ça, cette histoire-là. C'est bien trop tiré par ailleurs. C'est bien mieux Batman. C'est bien gros. T'as-tu quoi qui se passe? Hein? Merci bien gros, mon DJ George. Je pense qu'on va aller écouter un R2D2. Peut-être une bonne toune. Peut-être. Hein. Ça ferait peut-être du bien. Peut-être, ouais. OK, je pensais la mettre R2D2 et sa toune de Noël. Ah non, mets ça. Finalement, tu me convaincs, là. Ouais, peut-être. Hein. C'est une toune de Noël ou une bonne toune? Ah, une toune de Noël. Ah, mets la toune de Noël. Écoute, l'Halloween est fini, là. Ça prend une toune de Noël. OK. À son fils, peut-être, aussi. Certainement. Ça fait plaisir à tout le monde, donc, sans aucune exception, on va mettre R2D2 qui nous chante « We wish you a Merry Christmas ». Je sais pas c'est quoi. En R2D2. Je sais pas. On l'écoute, c'est seulement 3 minutes 19. Ah bon, ça va passer vite. À 70%, on est conscient que la tête de la magie des fêtes commence. Là. Juste après l'Halloween. If you come over here, you'll find a wonderful surprise. You'll have to plug into the central computer to hear what it is. That's right. No, it's not a phase vector. It's your Christmas present. At the winter star, we know that's where you are. Our chimney's big and round, so you can come right down. And if our wish comes true, we'll spend Christmas Eve with you. Our hearts will sing with glee as we decorate the Christmas tree. The Quaver Converter isn't complete yet. It isn't finished. Lock in your circuits again quickly. Oh, c'est voulu, là. Écoutez, on est rendu là. Je pense que c'est un petit peu l'effet que ça faisait dans notre tête. Étienne Forêt, tu voulais faire un transfert vers l'autre affaire, là. Oui. Mais là, écoute, là, hein. Mon micro est éteint. Ah, ouais, ben voilà. Ouais. Coucou. J'étais enchanté de cette chanson-là parce qu'en plus, il y a des enfants qui chantent tout en chœur. Ça, c'est encore plus powerful. Ça fait totalement lien avec ta thématique. Ben oui, c'est... et puis j'ai une toune ici. Check bien ça. Des Baby Spice. Qui sont l'équivalent petit des Spice Girls. Trois d'affilée. L'équivalent petit des Spice Girls. Hey, c'est comme du Joan Jett. J'allais dire immature, mais je me suis dit ça sert à rien. C'est pareil à Joan Jett. Jusque-là. La chanson s'appelle Monsieur le Robot. C'est une reprise d'une toune des Lutins de 1968, dans laquelle il n'y avait pas autant de guitare électrique. Pas autant de voix de filles, disons. Non plus, c'est déjà. Je vais aller cruiser le comptoir. Bruno, comment c'est les nouvelles quand tu le sens? C'est bon. Le robot, il ne plairait pas trop. Monsieur le robot. Non, c'est cool. Envoyez-nous une nouvelle. Pas trop, monsieur le robot. Deux des deux de pas trop pleurer. Non, il faut pas. Deux des deux pleurent pas trop. Joyeux Noël. Ça n'arrête pas les liens entre les affaires. On dirait qu'on s'est organisé, mais non. On n'est pas une organisation. Non. Malgré le point org. Malgré le point org. Je vous donne une bonne nouvelle, là, comme quelque chose de le fun. Là. On savait que les pieuvres étaient intelligentes. Oui, mais... on savait ça. Ben oui, on le savait, tu savais pas. Non, c'est moi, quatrième plus c'est... intelligent. Moi, j'avais personne qui me dit rien. Moi. C'est le quatrième animal le plus intelligent sur Terre. Ah, ouais. Alors, mais Otto, une pieuvre vivant à l'aquarium de Coburg en Allemagne, nous a prouvé qu'elles peuvent s'ennuyer vraiment beaucoup quand ils ont rien à faire aussi. Le mystérieux court-circuit pendant la nuit ont mené la direction engagée des gardiens de nuit afin de surveiller l'aquarium qui est fermé pour la saison hivernale. Otto, qui mesure maintenant 80 cm, a découvert qu'il était assez gros pour s'accrocher au bord de l'aquarium et tirer un jet d'eau précis sur l'ampoule de 2000 watts qui est au-dessus de lui. Donc, nous avons placé l'ampoule un peu plus haut. Il n'arrivera probablement plus à l'atteindre, a affirmé le directeur de l'aquarium. Mais Otto cherche toujours l'attention ben et oui, trouve toujours des nouveaux coups à faire. Nous allons le surveiller de plus près et lui donner plus de jouets aussi. Des nouveaux jouets pour Otto. Peut-être qu'il vient d'une famille qui s'est séparée. Peut-être. Besoin d'attention. Besoin d'attention, puis tout. Ouais. C'est sûr. Non composé, c'est hot. Tôt. Oui, c'est ça. Bon, ben, show, nous en avons. D'accord. Gars. Gianni Fassolini a eu un coup de génie lorsqu'il a lu que le pourcentage de divorce était en constante croissance alors que le pourcentage de mariage est en train de descendre. Le photographe professionnel qui prend des photos de mariage chaque jour s'est dit que le divorce outil était un événement important d'une vie et que les gens aimeraient probablement avoir des photos de cet événement. Il a donc mis une annonce dans le journal et aussitôt que les gens l'ont lu, ils ont commencé à littéralement faire la file devant son atelier. Il fait maintenant des photos de deux rues divorcées qui se serrent la main ou même qui s'embrassent. Ben voyons donc. Hein? Oui? Le divorce, un événement à vivre au moins une fois dans ta vie. Ouais, c'est ça. Au moins une fois par mariage. Ouais. C'est quoi ça? En moyenne. Ouais, c'est ça. Vive les vraies valeurs. T'en as une dernière? Oui, oui. Louise Derringer qui cherchait son dentier et n'arrivait plus à le trouver. Elle a donc demandé à son chum Guy Dugas. C'est vraiment comme ça qu'il s'appelle. Où elles étaient, où son dentier était. Dugas qui ne savait pas, mais elle a pas cru. Donc un argument s'est déclenché et Dugas, fâché, a donné ce qu'il a nommé des leçons de vol à Derringer en la lançant dans les airs et en la faisant atterrir sur le plancher de la cuisine. Derringer a alors ramassé un couteau de cuisine et l'a mis à la porte en lui courant après dans la maison. Lorsque Dugas a essayé d'entrer par la porte arrière, elle lui aurait dit « Dis-moi où est mon dentier ou je vais te tuer ». Dugas est alors allé se cacher dans les toilettes et Derringer s'est mis à poignarder la porte des toilettes. Après que la police soit arrivée, Derringer a retrouvé son dentier derrière la table de télévision. Derringer a été accusé d'assaut avec une arme blanche et Dugas de violence domestique. Donc peut-être qu'ils vont justement faire appel à notre joyeux photographe de divorce. De divorce, oui, peut-être. Peut-être. T'es rendu à courir avec quelqu'un avec un couteau, t'es aussi bête de prendre des mesures que ça réarrive plus. Pour ravoir tes dents. Ouais, c'est ça. Hein, on va dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour tout le monde. Étienne Forêt, un plaisir. Kate Kendall, t'as dit le mot feu, bravo. Ça va être une première fois, va revenir. Jessica, ben elle, ça va être de plus en plus t'aider. Puis Bruno, fais attention. Il y a des marches, man. Ouais, je sais, faut pas tomber dans les marches. Faites attention, tout le monde, de pas tomber dans les escaliers. Ce soir, c'est encore une fois, bien sûr, Michael Dudikoff. On va aller à 14 minutes 30. On va écouter ce qui se passe vers la fin. Nous autres, malheureusement, faut sortir parce que c'est Radioscopie qui s'en vient. Mais de toute façon, on va boire de la bière au brouhaha. Puis on va écouter American Ninja 1, un film de 85. Mais en vedette, l'excellent Michael Dudikoff. Wow! C'est vraiment pas beau, ce nom-là, me semble. Dudikoff. Ouais, c'était 70% de cette semaine. Faites attention à pas tomber des marches d'escalier. Oui. On le dira jamais assez. Puis si vous tombez, faites attention de pas vous faire mal. Merci Bruno, on le dira jamais assez. Salut. Bye là. Au revoir. C'est pas votre façon de draguer. Maintenant, on arrête, d'accord? Merde. Vous allez bientôt voir la première parole du héros. Il va parler pour la première fois du film. Mais regardez-moi ça. Regardez mon chemisier, mes cheveux, ma tête. Vous n'auriez pas un pays par hasard. Une brosse à cheveux. Un miroir à trois faces. Pas trop mouillé. Comment faire dans un cas pareil, dites-moi, jeune homme. Vous allez vous mettre à poil. Ah, vous n'avez rien. Et le spokan. Et ben me pète un front. J'ai vraiment mal. Mon occipital, c'est quoi ça, hostie? Mais là, ça va être mieux. Mais quand t'es du tout, hey man, amène-moi by do. Le colonel doit survivre, on devrait peut-être se réveiller en pièce. Je veux qu'on passe la jungle au peigne fin avant la nuit. Que tous les hommes en service partent dès maintenant. Ça fait trois fois qu'on s'attaque. Appelez le chef de la police et s'il puisse, il se manie la rondelle. Oui, mon colonel. Vous allez avoir des emmerdements si jamais il est arrivé quelque chose à Patricia. On a fait de notre mieux, mon colonel. Apparemment, c'était pas suffisant, Rinaldo. Non, mon colonel. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il n'y a jamais eu de victimes lors des attaques précédentes. On n'en aurait pas eu cette fois non plus si ce nouveau type n'avait pas été là. Votre fils serait ici en sécurité s'il n'avait pas commencé à se prendre pour John Wayne. Ce petit con va regretter de s'être engagé dans l'armée. Jackson! Mon colonel. Vous avez examiné les blessés? Oui, c'est fait. Alors, quelles sont vos conclusions? Vous avez entendu parler du ninjutsu. Pardon? La science secrète de l'assassinat. Oui, bien entendu. D'après les déclarations faites par nos hommes, ce massacre est l'œuvre des ninjas. Ninja? Tu m'as bien servi, mon ami. Jusqu'à ce jour, aucun reproche à faire. Mais le camion avec le chargement le plus important a foutu le camp. Un autre incident comme ça et je vais être obligé de suspendre les opérations. Un ninja américain s'est opposé à nous. Son intervention n'était pas prévue au programme. Un ninja américain? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. C'est l'exacte vérité. C'est une grande faute d'enseigner nos secrets à un homme de l'Ouest. Pourtant, je suis sûr qu'il y avait un ninja ennemi là-dedans. Demain, nos clients arrivent. Il y a plusieurs millions de dollars en jeu. Rien ne doit être laissé au hasard. Cet américain, quel qu'il soit, règle-lui son sort. Merci. Bon, ben, au revoir. avez été très chic. Le 28 novembre 2008, au Club Soda, participez à la soirée bénéfice au profit de l'organisme Jeunes Musiciens du Monde. À 20h30, Montréal est invité à passer la soirée avec Pierre Lapointe, The Lost Fingers, Patrick Watson, Carquois, Tricot Machine, Florence K, Antoine Graton, Les Charbonniers de l'Enfer, Xavier Caféine, Jérôme Minière et plusieurs autres. Bien en prévente à 30$ sur le réseau Ticket Pro ou sur le www.jeunesmusiciensdumonde.org. OK! 3, 2, 1! Tu aimerais que ta vidéo soit vue par des millions de personnes? T'as le goût d'aider les autres? Sors ta caméra et réalise une publicité sur le bénévolat. Et cours la chance de l'avoir diffusée plusieurs dizaines de fois à la télé couleur. Tu trouveras plus d'infos sur le nouveau concours du Centre d'action bénévole de Montréal au www.c'estunconcours.com.